d'Alexandra Badea, avec Alexandra Badea et Thierry Reynaud. Musique, Benjamin Collier. J'aime déjà Angela Merkel, Mama Merkel. Un jour, je débarquerai. Des milliers de réfugiés sont donc arrivés en Autriche. En majorité, les réfugiés veulent gagner l'Allemagne. Et enfin, en Allemagne. Qui envoie un signal au marché pour sonner la fin de la crise. Reportage de l'envoyé spécial Rabaudrou. La hausse des impôts et sa capitulation face à la révolte des pigeons. Le pape demande très clairement à toutes les paroisses d'accueillir chacun une famille de réfugiés. En duplex sur CNN depuis le quai numéro 6. Du risque terroriste. Et c'est le quartier européen de Bruxelles qui sera paralysé une bonne partie de la journée. Et des enjeux environnementaux. Le silence, l'indifférence ne sont plus possibles. Qui arrive en tête du premier maire du bébé palestinien qui était mort dans l'incendie de la maison familiale. Je suis très sensible au ras-le-bol fiscal des Français. Sans concertation et sans délibération. On a fait demi-tour car il y avait la police turque sur le lieu de rendez-vous. L'Union européenne peut agir de concert et dépasser les mesures pour l'instant très un chiffre qui est sûrement sous-estimé face au niveau de volatilité des prix de la sphère privée et autre familiale. Autre titre dans l'actualité ce matin encore. La arrêtons la spirale infernale sur le marché du lait. En présence d'intellectuels, philosophes et d'élus pour un débat en direct qui reste à confirmer. Bien évidemment maximal à 90%. Parce que les soldats en droit attaquent, pourraient nous attaquer, pourraient nous poser des problèmes face à la corruption d'une partie de Dieu est au-dessus de celle de Washington. 9, il est 7h09 dans ce 7-9, il fallait le dire. Le mot important accepte de parler politique. C'est obligatoire. Nadia Lenovic a dominé la Russe Ekaterina Makarova en 3-7-7. Ils sont ignorés. La tête dans le sable. Une très forte majorité des citoyens de Brésil. Les deux tiers d'entre eux qui sont opposés également. La fête de 45% de l'électorat. Je regarde cette photo. Je ne sais pas pourquoi je la regarde. Je passe plus loin et je reviens ensuite. Je la regarde encore et je ne peux toujours pas comprendre pourquoi je la regarde. Elle est devenue si banale. La même photo qui circule parmi les millions de photos qui essayent d'illustrer notre monde. Je la regarde et je ne ressens plus grand-chose. Je ne ressens presque plus rien, vide. À force de contempler le monde de la hauteur de mon ordinateur, je ne ressens plus grand-chose, vide. La colère est passée. Combien de temps elle aurait pu rester? Avec du temps, la colère vire à la tristesse. Je regarde cette photo et je ressens une tristesse floue. Je regarde les hommes qui portent l'enfant et je me sens perdue. Et je me demande comment on en est arrivé là, à toucher le monde à travers un plastique protecteur, à toucher des corps avec des gants. Je regarde le regard des deux hommes de la photo et je reconnais ma tristesse aussi. Je reconnais la défaite. Je reconnais ce désespoir toléré si bien par nos corps depuis un temps. À force d'être exposé à un taux journalier élevé des mauvaises nouvelles, on commence à s'en faire. On accepte, on le fait bien. On est devenu assidu dans l'acceptation. Je regarde la photo. Et je regarde la légende et je ne veux pas la lire. Je ne comprends pas pourquoi on devrait m'expliquer ce que je vois. Je ne veux pas me laisser empoisonner par la propagande du discours officiel. Je sais ce qu'on attend de moi. Alors non, je ne lirai rien. Je vais rester dans le regard perdu des hommes. Et pourtant je glisse. Et là, je vois ton nom. Là, en bas. Sur le crédit de la photo. Émotion profonde, respiration cassée, muscles qui braquent contre tous ces sentiments mélangés, mitigés, c'est dingue. J'avais presque oublié ton nom, même si je continue à te parler de temps en temps dans ma tête. Alors j'ai décidé de t'écrire. Ça fait longtemps, trop longtemps. On a laissé le temps s'interposer sur nos interfaces. Ça nous a détruit le système. Tu es où en ce moment? Et à quel endroit de la vie? Et qu'est-ce que tu fous là, à côté de ces hommes qui ont oublié de tenir dans leurs bras un enfant? Je ne te dirai pas tous ces mots polis en vue d'adoucir ce qui vient après. Je ne sais pas les dire, je ne saurai jamais. J'ai jamais trop aimé manipuler les mots. Ils glissent sur ma peau comme une douche froide. Les mots ont une température que je supporte pas. C'est glacial. Ça souffle trop fort. Et ça laisse rien debout après. Je comprends pas les mots. On les a chargés d'un sens beaucoup trop grave. Alors j'appuie sur le bouton de ma caméra pour parler en image. J'en suis là maintenant. J'ai arrêté de tourner en rond dans ma tête. Je parle plus de moi, je parle des autres, pour les autres. Je porte les paroles de ceux qu'on n'entend pas. Pas leurs paroles, leurs regards. Ces gens qu'on ne voit pas, même s'ils peuplent notre quotidien. Je braque mon objectif sur eux pour les exposer à la lumière. J'habite nulle part. Aucun pays ne peut me satisfaire plus de 3 semaines. Je vis ma vie en touriste, là où on me demande, là où l'actualité brûle. Je n'ai jamais compris l'intérêt de vivre sur un territoire, s'implanter, laisser pousser ses racines dans un seul type de sol. On aurait dû rester en mouvement. On aurait dû le faire ensemble, ou au moins l'essayer. Inventer une utopie commune en dehors de ce monde fatigué, composé avec nos peurs, nos désirs et le goût des paysages traversés. On l'a pas fait. On a choisi la vie réelle, le concret, le chemin tracé par les autres. Tu es parti à l'autre bout du monde, je t'ai pas suivi. Je suis resté dans cette ville froide, à enchaîner contrat après contrat. J'ai pris en photo tous les mannequins du monde dans des hôtels particuliers surexposés et je me suis perdu entre les pages blanches des magazines. Et un jour, je me suis réveillé la gueule de bois. Mon corps avait besoin de vivre autre chose. À force de consommer ce qu'on lui mettait devant, il était devenu inerte. Je marchais dans la rue derrière mon ombre. Ton absence a commencé à peser plus lourd que d'habitude. J'ai reniflé tes traces sur Internet et je t'ai retrouvé dans une vie trop petite pour m'y glisser. Alors j'ai tracé. Sans trop de bruit, sans trop de gestes. J'ai renoncé à aller vers le monde, j'ai laissé le monde s'en approcher. Et il est devenu tellement près qu'il me colle maintenant à la peau. Je vais là où on me demande d'y être, en prise directe avec l'actualité, et j'essaye de m'oublier. Je me retrouve dans les corps de ceux que je prends en photo. Je me retrouve dans le regard de ce nourrisson qui ignore encore l'absurdité de notre monde, qui ne se souviendra peut-être pas de l'odeur de sa mère perdue dans les eaux de la Méditerranée. Je me retrouve dans ces deux hommes un peu gauchés, gantés, masqués, dans la rigidité de leur protocole, dans la peur de choper une maladie tropicale en s'approchant trop près du corps inconnu. Je me retrouve dans le regard de cet homme à droite de la photo. Je lis sa honte, son incompréhension et sa tristesse. Je suis tout ça, on est tout ça. C'est pour ça que je continue à appuyer sur le déclencheur de l'appareil. On ne voit pas la même chose. On ne regarde pas le monde avec le même regard. Tu parles des autres et quand même ça revient toujours à toi. Tu n'as pas tort peut-être. On fait tout ça. On parle des autres pour nous décliner à l'infini. Mais je ne peux pas avaler tes justifications. Tu es là protégé par les vigiles sur le quai, un rang avec d'autres photographes. Tu es là et tu ne fais rien. Tu regardes la scène à travers ton viseur. Comme un sniper. Comme le pilote d'un drone. Tu ne prends aucun risque. Tu restes protégé dans ton monde qui est si loin du monde de ce gamin qui regarde perdu vers un continent qui lui refuse son entrée. On voulait autre chose. Et voilà, là on y est. On fait ce qu'on peut tous les deux. On s'arrange avec nos consciences. C'est peut-être ça être adulte, non? Je regarde ta photo encore. Depuis ta réponse, je ne fais que la regarder pour trouver quelque chose qui cloche. Il n'y a rien, elle est parfaite. Tu as très bien cadré. On ne voit que ce qu'on doit voir. Le plan de l'espoir, l'enfant sauvé. On ne voit rien ni à droite ni à gauche. On ne voit pas les autres corps, les corps qui tombent. Ça, on n'a pas le droit de voir. Et sa mère dans tout ça, elle est où? Elle manque dans la photo. Elle est absente pour toujours. Ce bébé, c'est le seul survivant. Tu ne dis rien. On ne le saura pas. Je ne reste pas avec cette photo pleine d'espoir où les trois gardes-côtes sauvent l'enfant après avoir semé la peur et la panique. Je ne reste pas avec ça. Je reste avec l'autre photo. Avec celle où des dizaines de cercueils étaient alignés dans une grande salle. En tête du convoi funéraire, 5 petits cercueils, des enfants, des bébés, on ne sait pas. Comment lire l'âge sur un cadavre sans papier, sans origine contrôlée? Tu sais quel est le problème de notre civilisation? On aime sauver le monde après avoir semé la terreur. On se protège avant d'agir. Et on reste triste dans un coin, submergé par notre incapacité d'action. C'est ça que je vois dans ta photo, dans ta démarche. C'est ça que je lis dans tes paroles. Et ce qui me surprend, c'est que toi, tu vois le contraire. Et que tout un monde lira l'espoir dans cette photo. Et ils partiront calmement vers leur monde, protégés par cette image glacée. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer tout ça? Qu'est-ce que tu fais, toi, pour changer tout ça, enfermé dans le petit écran de ton appareil? Je comprends ta colère. Je partage la colère. Elle pulse dans mon corps à chaque fois que je m'approche du champ de bataille. Le mot te choque peut-être, mais chaque endroit où je vais est un champ de bataille, une plaie ouverte. Et moi, un soldat envoyé pour compter les victimes. Un soldat qui fait partie d'une guerre à zéro risque, protégé par un gilet pare-balles, hébergé au dernier étage d'un 5 étoiles. Un soldat avec un cahier des charges, emmené là où il doit voir les choses. Je suis pas naïf. Je suis conscient du pouvoir de manipulation de mes images. Je sais que je ne vois qu'une partie du paysage, mais j'essaye d'aller au-delà. J'essaye de capter ce que les autres ne veulent pas voir. J'essaye de contourner les lignes de démarcation, de pousser les limites. Ça ne change pas grand-chose, mais ça déplace le regard d'un millimètre. On était une trentaine de photographes aux funérailles du dernier naufrage. Il y a 5 ou 6 photos qui ont circulé. C'est ça qui va rester dans l'histoire. C'est l'unique témoignage. J'ai pas pris en photo le Premier ministre qui s'agenouille dignement devant les cercueils blancs des enfants. J'ai choisi un plan vide. J'ai légèrement décentré le cadre pour faire voir au premier plan un détail, les numéros tracés sur les cercueils à l'arrache avec un crayon noir. Le commentaire ne m'appartient pas. Les mots collés à l'image ne me concernent pas. On voit bien ces numéros. C'est mon message caché. J'invente ma résistance comme je peux. Et parfois, la résistance passe par bombarder le monde avec de telles images. Avant, je remplissais la toile avec les corps de belles femmes habillées par les plus belles collections de créateurs, allongées sur des plages paradisiaques. Aujourd'hui, je la remplis avec les corps épuisés des migrants qui attendent derrière de barbelés. Je crois pas que mes images rassurent. Je crois pas non plus qu'elles dérangent. On s'est tellement habitué à l'horreur, on l'a intégrée dans notre paysage mental. Mais je crois qu'elle perturbe le paysage lisse de notre quotidien. J'essaye pas de me défendre, même si j'aimerais être admiré par toi comme avant. Peut-être qu'on n'agit que pour avoir l'amour, ou par un manque d'amour. Et pourtant, tu te défends. Moi aussi, je me défends. On se défend tous comme on peut, car c'est ça qu'on nous a appris depuis la maternelle. Même bien avant. On sort des corps de nos mères et on apprend à se défendre. On apprend à justifier nos conneries. On apprend à faire ce qu'il faut faire pour réussir. On a beau avoir inventé des milliers de langues, on n'arrive toujours pas à se comprendre. Tout est subjectif et solitaire. Te dire quoi? Et comment te dire? On s'est défendu ensemble. J'ai justifié mon départ, tu as justifié d'être resté. Un départ se défend plus difficilement quand même. Ça aussi, on nous l'a bien appris. Rester sur son territoire. Rester pour défendre son territoire. Je suis partie car mon territoire m'a expulsée. Brusquement. Comme l'accouchement en quelque sorte. On m'a poussée à partir. Je ne pouvais plus rester là-bas sur le continent de la haine, en me cachant derrière les remparts qu'on construit en mon nom. Il me fallait partir. Et ce n'est pas une offre d'emploi incertaine qui m'a poussée à le faire. C'est le bruit de la rue et son odeur de guerre civile qui s'approchait. Je ne suis pas partie pour un job mieux payé, personne ne part pour ça. Je suis partie pour défendre ce qui restait vivant en moi. Je suis partie car je ne supportais plus la haine, l'odeur de guerre qui se répandait dans notre ville. Je ne supportais plus de voir les corps effondrés sur les pavés des villes, les faux sourires, les mots sans poids. Tu te souviens, on marchait dans la rue dans une manif avec les militaires dans nos dos, les mitraillettes braquées pour nous défendre. C'est ça. On n'a même plus besoin de nous le dire, on le sait très bien. On l'a intégré parfaitement. On sait que les militaires sont là pour nous et ça partout dans le monde, de Lampedusa jusqu'au fin fond des autres continents. Les militaires veillent à notre confort et à notre sécurité. Je suis arrivée sur un autre continent et je n'ai pas pu m'acclimater. J'ai échangé un modèle contre un autre et tout ce que je cherche, c'est échapper au modèle. Je suis partie pour chercher un espace neutre, une langue étrange et des gens inconnus. Et j'ai atterri dans une ville où tout a repris. La même haine et la même odeur de guerre civile. Alors je suis partie encore une fois. Comme tu vois ça, je sais faire partir. J'aimerais construire quelque chose d'autre. Et je ne sais pas trop comment le faire. Je suis maintenant là, au sud de l'Amérique du Sud, dans un territoire inconnu. J'essaie d'effacer mes traces, de m'oublier dans ce nouveau paysage, mais je n'y arrive pas toujours, comme tu le vois. Je me connecte de temps en temps à ma vieille machine et je tombe sur l'actualité de mon monde qui me fait peur. Je tombe aussi sur des vieilles connaissances que j'ai perdues de vue, qui se sont égarées eux aussi dans des vies qu'ils n'ont pas conçues eux-mêmes. Des modèles de vie, des modèles d'existence empruntés, des modèles d'amour tirés à la photocopieuse, des modèles qui nous tiennent debout. Alors j'essaie d'écouter plus les silences. J'essaie de m'oublier. J'essaie d'oublier mes échecs et mes peurs. Voilà. J'en suis là. Je ne me défends pas, je crois pas. Je défends plutôt le corps. Son droit de circuler, d'agrandir ses racines. Tel le lierre qui court d'un territoire à un autre. Je défends plus par ma démarche que par les photos que je prends ou les mots que je prononce. Il faut rester debout, c'est tout. Ça a l'air simple, mais c'est complexe. Le corps a un pouvoir qu'on ignore, car on nous a coupé l'accès. C'était la première victoire du pouvoir, couper les corps, les cacher, leur interdire le plaisir. Tout réduire à une pensée froide, inoculée par des cours en amphi ou des films projetés sur des grands écrans. Je ne sais pas d'où viennent mes idées. Elles ne m'appartiennent pas dans leur totalité. Aucune pensée n'est unique. On mélange les concepts qui nous ont traversés. Le corps est unique. Et c'est ça qui est fort. Alors je défends le droit de mon corps de passer, de traverser, de se poser devant des paysages dévastés, et j'appuie sur le déclencheur pour capter d'autres corps, des corps qui restent debout malgré les forces qui essayent de les arracher. Je cherche des corps debout, même si enfermés derrière des barbelés, des corps qui disent non, des corps qui résistent. Dans cette photo dont tu parles, il y a quatre corps debout, quatre corps qui ont traversé la mer, qui ont frôlé l'enfer, qui se sont confrontés à l'extrême. Quatre corps qui viennent de territoires différents, de réalités lointaines, mais qui se sont retrouvés pendant quelques secondes dans le même monde. Leurs corps garderont le souvenir du traumatisme commun. Leurs corps porteront l'empreinte de cette tranche de l'histoire des humains. C'est ça que je vois. Au-delà des masques, des gants et des habits de protection, je vois trois corps qui maintiennent un autre corps plus petit en vie. Et dans ce dernier corps, Je vois un peu d'espoir. Mais le président français ajoute qu'il faut renforcer les contrôles aux frontières de l'Europe. Dans l'actualité également, cette profanation d'un cimetière. Pour pouvoir établir la distinction entre ceux qui relèvent de l'Ukraine. Le 29, saucisse de Strasbourg, le 1er octobre, deux jours après le meurtre de trois policiers devant le Parlement de Kiev. Au nom du principe de laïcité, un dispositif de soutien aux bacheliers sans inscription à l'université, le sacro-saint principe de laïcité. Tout s'est fait dans la plus grande discrétion. Majorité de Français, 55%. Un report des remboursements pour les agriculteurs les plus endettés. De la sphère privée et familiale. Une rallonge de 85 millions d'euros. C'est un chiffre qui est sûrement sous-estimé. Je pense que la France ne doit pas imiter l'Allemagne. Moins 100 millions d'après l'UNEF. Le marché de l'immobilier serait-il en train de se retourner? Sur le bitume, au milieu des déchets, le réveil est difficile. Les acheteurs seraient de retour. J'ai été reçu par des gens d'administration. Tous les ans, ils marquent la rentrée. Ils sont des milliers à espérer que ce sera le dernier dans ces conditions. Alors, l'heure était plutôt à la baisse. On attend encore au moins 2 millions de visiteurs. Je vais en Allemagne parce que je veux vraiment vivre en paix. Une grande fête avec les bras d'œufs, les moules, les frites et une jolie fête foraine. Je ne veux pas voir plus de guerre. C'est des gens qui tuent pour de l'argent. Il est vrai, et on l'a beaucoup reproché. Je l'ai payé à ces chiens. Ici, on trouve de tout. Un squelette de chien, de vieux manteaux de fourrure, une poupée en plastique ou encore une tête empaillée de cerf. Et dans les allées, beaucoup d'étrangers, des Anglais. J'ai retrouvé une photo que tu as prise il y a longtemps. Une photo de moi debout, devant les tours du World Trade Center un mois avant la chute. On était partis en vacances, tu te souviens ? Je te regarde. Je ne regarde pas l'objectif, je te regarde toi. À chaque fois que tu tentais de me prendre en photo, j'essayais de pénétrer ton regard invisible. J'essayais de pousser la barrière de ton appareil qui se posait entre nous comme une frontière sécurisée, balisée par nos impuissances. Moi devant toi avec les tours floutées en arrière-plan. Les tours qui perdent leur contour avant l'heure, en diluant leur forme dans un nuage de particules. La photo est surexposée, la lumière nous bouffe, ça fait du bien. Je regarde mon corps qui se confond avec l'air et le ciel et ça m'apaise enfin. C'est comme si je perdais pour un instant la lourdeur de mon être, où trop d'idées, souvenirs et échecs se sont accumulés au fil du temps. Je me souviens du moment où tu as tiré la photo dans la chambre noire de ton laboratoire improvisé dans notre salle de bain. Le papier glacé flottait sous l'eau, la lumière révélait ses contours. Tu l'as sorti bien avant en arrêtant le temps sur mon corps flou. Un mois après, les tours s'effondraient. Tout ce qui reste du décor aujourd'hui, c'est cette image et ma perception subjective du moment. Un morceau imparfait d'une réalité vouée à l'oubli après notre départ. On ne garde que la version attestée des historiens diplômés dans les grandes écoles du monde civilisé. Le reste, on s'en branle. Ça s'en va aux archives personnelles où plus personne n'entrera après notre mort. Je me regarde dans ta photo. Je te regarde dans mon souvenir elliptique et je réalise ce qu'on n'a plus maintenant. L'illusion. Cette confiance aveugle en ce qui va suivre. La confiance dans nos vies. La confiance dans le monde. La confiance dans les autres, dans ceux qui passent en dehors de nos routes. La confiance dans notre capacité à rester debout, à se battre, à déplacer le monde d'un millimètre. On y croyait, aujourd'hui on l'a perdu. On s'est laissé éroder par la violence du dehors, par la banalité du monde, par la médiocrité de nos vies. Je nous regarde dans le making-of imaginaire de la photo que tu as prise devant les tours du World Trade Center un mois avant la chute. Je nous regarde... Et je comprends enfin notre erreur. À l'époque, on croyait qu'on vivait le début du bonheur. On s'est trompé. C'était pas le début. On y était. Mais en regardant chacun de son côté de l'objectif, on l'a raté. Les tours sont tombées et nos promesses avec. On a continué nos combats par inertie et on s'est égaré parmi nos doutes. J'ai perdu la photo dont tu parles. Je l'ai longtemps cherchée. Je me souviens très bien de l'expression de ton visage, de la profondeur de ton regard. d'un vague sourire qui traînait sur tes lèvres. Je me souviens des deux tours loin derrière toi qui donnaient une profondeur de champ et encadraient ton visage. Je me souviens de la composition banale de cette photo qui faisait presque un cliché touristique. Une photo de plus à rajouter à l'album de souvenirs d'un couple. La seule chose qui lui donne une singularité, c'est le regard qu'on pose l'un sur l'autre. J'ai pensé souvent à cette photo quand je shootais des mannequins pour des revues de mode. Le même face à face, le même regard droit dans l'objectif, mais aucune sincérité d'un côté ou de l'autre. On se regardait sans prendre le temps de le faire. C'est pour ça que j'ai choisi de passer aux photos de presse. Ici, personne n'essaye de mentir quand il regarde vers moi. Je vole peut-être un fragment d'intimité, de souffrance, et je l'inscris dans un contexte plus large, mais au moins, je le fais avec sincérité. Je suis devenu un voleur honnête. Toi, tu vois dans cette photo, avec nous et les tours du World Trade Center, notre échec. Moi, je vois l'échec de notre monde. Un amour ne peut pas exister en dehors de son monde. On ne pouvait pas exister en dehors de notre monde, et ce monde est parti en morceaux. Alors on a fait ce qu'on a pu avec. En temps de guerre, chacun sauve ses meubles. C'est ce monde qui a commencé à s'écrouler avec les tours, qui n'a pas tenu ses promesses. C'est lui qui nous a trahis. Je crois pas qu'on s'est laissé éroder, comme tu dis. On a essayé de résister jusqu'au bout, mais on faisait partie de cet écosystème et on s'est abîmé avec lui. On est tombé ensemble. On ne pouvait plus sortir du jeu. Je sais que tu essayes de quitter le terrain en ce moment. Tu en parles souvent, mais tu peux pas le faire. Tu as beau te cacher dans les fins fonds de l'Amérique du Sud, tu feras toujours partie de cette blague. Alors autant en rire. Moi, je le fais. Sinon, je pourrais pas continuer ma route, et le suicide n'a jamais été une option. Alors j'avance, et je ris, et je pleure, et je vois l'échec de ce monde comme une blague un peu amère, qui n'en finit plus. Tu parles du monde comme s'il était abstrait, un corps étranger et amorphe. Mais le monde, c'est nous, même si on se reconnaît plus dedans. On l'a construit comme ça, ou alors on l'a pas déconstruit suffisamment. Ou peut-être on n'a pas trouvé notre place là-dedans. Je pense que ça doit être ça. Je n'ai pas trouvé ma place. Je me regarde dans la photo du World Trade Center et je ne me trouve pas à ma place. Je suis là, mais je pourrais être ailleurs. Et personne ne se rendrait compte de mon absence. Nulle part je ne me suis retrouvée à ma place. Avec ou sans moi, le paysage resterait le même, les autres figurants passeraient tranquilles pour combler le vide. Toi, tu as trouvé peut-être ta place dans ce mouvement aléatoire imposé par l'actualité. Tu es à ton endroit dans les blessures du monde. Je pourrais le comprendre. Je regarde à nouveau la photo des trois hommes qui portent l'enfant migrant et je comprends soudainement ce qui me trouble. Eux non plus, ils ne sont pas à leur place. Ça se lit dans leur regard. Ils ont perdu leur route. C'est peut-être ça notre erreur. On se trompe de place. On ne fait que bâtir des murs pour nous attacher à des territoires, et pourtant on est étranger à ce monde. Comment ça pourrait être autrement? Je ne sais pas si je retrouverai la force des mots. Ces mots usés qui sentent la promesse de l'enfance. Je ne sais plus si je retrouverai la force de l'utopie. Me réveiller habité par une énergie qui pousse mon corps aux endroits justes. Courir les sols du monde pour essayer de déplacer d'un millimètre les frontières mentales. Il faudra peut-être œuvrer à un autre endroit, apaiser la colère et la souffrance, vendre des analgésiques puissants à ceux qui agonisent, caresser les corps mourants qui traînent dans la rue, ces corps qui se fondent aujourd'hui dans le paysage urbain sans que plus personne ne s'en digne. On est trop faible pour changer ce système rodé dans le temps. On s'est réveillé un peu tard. On ne sait même pas où parquer nos corps. Nos solitudes sont trop grandes pour contenir nos maladies secrètes. Je ne sais plus où se trouve l'issue de secours, J'habite un mensonge édulcoré par les vapeurs de l'alcool, les tendres nuits d'été quand la blague semble encore possible à raconter. Les esprits se baladent dans les rues des villes dévastées et on a oublié de les regarder. On ne sent plus rien. On ne voit que ce qui existe. Déformation de l'écran. On a contemplé trop longtemps le mensonge public. Ça nous a altéré la capacité de nous aimer. Tu ne crois pas ? Tous les deux, on a fait un état des lieux, un constat des dégâts. Toi, tu le mets en parole, moi en image. C'est très bien. Et après, on fait quoi ? Comment on continue à écrire l'histoire ? Comment on arrive à marcher dans les rues ? À se frôler dans l'indifférence des passants ? À la monstruosité de certains ? À l'égoïsme ? Et à continuer à aimer ? Qu'est-ce qu'on a encore à donner ? On a presque tout vendu, alors qu'est-ce qui nous reste ? Et à qui on l'envoie ? Et comment on l'emballe ? Tu as raison, oui. On s'est perdu dans des discours, on s'est laissé faire, on avait autre chose à foutre. On a choisi les mauvaises têtes pour nous représenter. Leurs mensonges nous ont empoisonnés. On a oublié d'aimer, mais on n'a pas perdu complètement la capacité de le faire. On peut le réapprendre. Il faudra s'entraîner à donner sans rien attendre en retour. Le monde est fatigué, vide, sec. Il n'a plus grand-chose à nous rendre. Mais nous, on a encore les résidus de notre jeunesse. Tant que les racines ne sont pas complètement pourries, ça peut encore pousser. Je ne sais pas comment faire, mais j'essaye de chercher. C'est pour ça que je continue à marcher. C'est pour ça que je te demande de le faire aussi. Si je regardais le contre-champ de la photo du World Trade Center, je ne me retrouverais pas à ma place non plus. Et pourtant, j'étais à ma place devant toi. C'est avec les gens qu'on grandit, pas avec les murs. Je te dis ça et je réalise ce que je suis en train de faire. À travers mon objectif, je cherche des êtres qui manquent dans mon territoire antérieur. J'aimerais arriver à faire enfin connaissance avec moi-même. J'aimerais oublier tout ce qu'on m'a appris à être et à devenir, tout ce qu'on attendait de moi. Je pense que toi aussi t'en es là. Un pas devant moi, comme d'habitude. Tu as fait le vide. Il est temps maintenant de te recomposer. Ces derniers temps, j'ai été souvent face à la mort. J'ai figé ce moment où les corps tombaient devant mes yeux. J'ai arrêté le temps sur leur disparition. Et c'est plus la mort qui me fait peur aujourd'hui. C'est la vie. Avant, j'avais peur qu'en mourant, je n'aurais plus le temps de finir ce qui restait inachevé. Maintenant, j'ai peur que si je ne finis pas ce qui reste inachevé, je ne pourrai plus supporter la vie qui me reste devant moi. Ne cherche plus les promesses perdues, la force d'avant. Tout est là en toi. Malgré le décor sordide qui nous entoure. Hier soir, j'ai allumé l'ordinateur pour faire un tour du monde. Je pense que je te cherchais quelque part. J'ai commencé à m'habituer avec ton nom dans ma boîte mail chaque matin au réveil. Et les 5 jours sans toi ont creusé dans mon vide. Je cherchais une photo de toi, je n'ai rien trouvé. Je me demandais où tu pouvais être. Un titre a défilé sous mes yeux, un titre devenu si banal ces derniers temps. Pourquoi je meurs en mer quand d'autres sont tranquilles chez eux ? J'ai cliqué et j'ai lu le témoignage du gamin. J'ai vu mon frère éloigner un homme d'un coup de pied parce qu'il essayait de lui arracher son gilet de sauvetage. Quant à ma petite sœur, la dernière fois que je l'ai aperçue, une personne tentait de s'accrocher à ses épaules, la poussant vers le bas avant qu'elle ne disparaisse sous l'eau. Nous avons passé 9 heures dans l'eau, ma mère et moi, accrochés à un morceau de bois. Je n'ai pas cessé de lui dire que tout allait s'arranger, mais elle n'a pas tenu le coup et a coulé à peine un quart d'heure avant que le secours n'arrive. Elle est morte dans mes bras. J'ai demandé à un secouriste de me permettre de prendre son corps avec moi, mais il a refusé. J'ai traduit le texte en images. Et depuis, ces images apparaissent comme des flashs dans ma tête. Et pourtant, ma vie tourne. Et c'est ça qui est lourd. Nos vies tournent toutes seules. Malgré la quantité d'émotions qu'on peut éprouver en lisant un texte ou en regardant une image, nos vies continuent à tourner comme si de rien n'était. Tant qu'on n'est pas touché à l'intérieur du corps, rien ne se passe. Tout est subjectif et solitaire, on ne peut rien changer. C'est la condition humaine qui est limitée. Et c'est ça qui est difficile à supporter. Notre instinct de survie nous sépare des autres. On s'accroche aux épaules d'un enfant pour survivre. On le pousse sous l'eau pour s'en sortir. Ce n'est ni la raison ni la haine, c'est l'instinct. On est fabriqué pour garder sa propre structure biologique intacte, pas celle des autres. De l'extérieur, c'est très simple. Tu lis ça, tu t'indignes, tu es sûr et certain que toi, tu le ferais pas. Mais on ne s'est jamais retrouvé à l'eau au milieu de l'océan. Alors nos paroles rassurantes ne valent pas grand-chose. On regarde l'actualité comme un spectacle macabre. Ça nous fait peur, ça nous révolte, mais ça ne change pas grand-chose. Nos vies roulent. Ce n'est pas le monde qui va mal, c'est nous. Ce que tu me dis me fait penser à un type croisé dans un bar. À 11h, quand tout le monde venait pour boire son café, lui, il était encore à la bière. Il voulait pas finir sa nuit. Le soleil cramait les rues, mais lui, il s'obstinait de vivre dans l'obscurité. Il faisait comme si la fête continuait. Il n'était pas bourré, mais sa parole était droite, claire, tranchante. À un moment donné, son regard s'est arrêté sur un point, à l'extérieur du bar. Il a suivi le mouvement de sa cible. Ses yeux se sont remplis de larmes. Il a dit « C'est ça qui me tue ». Savoir que je peux pas aller plus loin que ça. Et il m'a montré le bout de ses doigts. Il a encore dit, je peux pas dépasser les limites de mon corps. Je pourrai jamais percevoir la réalité à travers les yeux de cette femme. Et là, j'ai suivi son regard et j'ai vu la femme qu'il suivait depuis un moment. Une mère de famille qui passait tranquillement dans la rue. Et il a encore dit, je serai toujours condamné à percevoir la réalité à travers mes yeux, à vivre toutes les expériences à travers mon corps, sans éprouver la joie ou la douleur de cette femme. Ensuite, il a décroché, il a commandé une autre bière, et il a commencé à raconter des blagues et à draguer les filles. On est limité à nos corps et à nos pensées subjectives, ça c'est sûr. On est seul malgré les foules qui nous entourent, et chaque expérience, on la traverse comme ça. On ne peut partager qu'une partie de ce qu'on éprouve et on ne peut comprendre que par fragments ce que les autres sentent. Mais il y a les moments. Ces moments où deux réalités se superposent pour un court instant. Ces moments où on s'oublie, où on se perd dans le récit de l'autre. Ces moments où on se projette dans une autre existence. Ces moments où on rêve. En perdant le contrôle de nos raisonnements. Le retour à sa solitude est violent, mais ces moments restent comme les photos volées au temps, comme cette image de toi devant deux tours qui n'existent plus, devant un homme qui ne fait plus partie de ton quotidien. Une blessure guérit l'autre. C'est peut-être pour ça qu'on est là. La blessure de ce gamin qui raconte son naufrage a apaisé pour une seconde ta blessure et sans doute plus tard la blessure d'un autre soignera la sienne. On est tous condamnés à vivre à l'intérieur d'une condition imparfaite dans un monde incohérent. Tout ce qu'on pourrait faire, c'est d'essayer de nous rencontrer plus souvent. Thank you. les taux bancaires ont été divisés par deux. La loi de Dieu est au-dessus de celle de Washington. Merci pour ce mammouth. La météo, la mutuelle. Discipline et encadrement de l'information. Secteur droit l'annonce. Ce que je veux dire. Assez perturbé au nord de la loi. Je tiens à remercier mon prédécesseur. Je ne suis pas responsable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où le décret a été signé, le nombre de. L'espionnage industriel est en plein boom. Le cas de la Libye, c'est compliqué. Évidemment, pour le 7e volet de la série. Est-ce que c'est grave? Je crois pas. Au moment de l'abandon des poursuites judiciaires. Nous avons eu l'autorisation exceptionnelle d'y pénétrer pendant quelques heures. Certes. Conservatrice. Écoutez, moi, je voudrais d'abord revenir. Nationaliste. Je voudrais rappeler. Patriote. C'est. Révolutionnaire. Ce avec quoi on a grandi. En termes, une arme de contre-propagande. C'est le lieu du débat. Pour pirater les messageries. Comme tous les samedis. Un des commandants du groupe armé. Ce que je pense. Surnommé le docteur. Très profondément. Ces trentenaires ont rendez-vous avec François Hollande. Garantie. Accepte de parler politique. Le rôle est aussi d'amplifier la visibilité numérique de l'Élysée. Une déclaration commune de François Hollande et de la Merkel. J'ai eu besoin de me taire un temps. Tu n'y es pour rien, ça m'arrive. Je pense que j'ai parlé trop longuement ces dernières années. Les paroles se sont entassées dans mon corps. Je me sens lourde maintenant. Je me suis perdue dans l'actualité, dans les mots, dans les sons, dans l'agitation de la foule, dans mes cauchemars, dans mes manques, dans mes obsessions. Je me suis perdue dans mes mensonges, dans mes combats. Ça, tu le sais très bien. On s'en vante des combats car on a oublié de vivre. Alors on se bat pour les autres, c'est bien ça. Te trouver après tout ce temps dans le fil d'actualité de ce monde fatigué m'a blessée. Tu es redescendu dans le concret de la situation. Tu es devenu un passant, une connaissance. Je ne savais pas quoi faire de ça. Ces derniers temps, je ne sais plus vraiment quoi faire, où mettre mon corps et mon énergie. C'est étrange tout ça. Tu m'as parlé des corps. Moi, je sens mon corps empoisonné par la parole ambiante. Trop de choses, trop d'idées. Et surtout, surtout trop d'inutilité. Je suis partie pour gagner plus de mots, pour avoir un droit encore plus grand à la parole. Même ça, c'est quantifié, pesé, compté, le droit à la parole. Tu le sais bien. Je rêvais de pouvoir me mettre devant les gens et parler. C'est ce que j'ai fait en Amérique du Nord pendant 3 ans après le grand départ. Et un jour, les mots se sont épuisés. Je disais le même texte appris par cœur. J'ai réalisé avec le temps que les paroles sont éphémères et nocives. Elles se retournent toujours contre toi au bon moment. Alors je suis partie. Et ici, j'apprends à vivre en dehors du langage. C'est comme un retour à l'âge animal dans le bon sens du terme. Te retrouver par hasard dans le catalogue rempli de photos de l'actualité du monde m'a donné un sentiment bizarre. C'est comme si je te perdais une deuxième fois. Tu devenais un inconnu. Un nom en dessous d'une photo, un crédit. J'ai senti le besoin de te trouver, de parler à ton corps. Mais on s'est égaré encore une fois dans la parole. Rien n'est simple. Chaque mot a un nombre illimité de sens en fonction de l'expérience traumatique de la personne. On se dit des choses sans se comprendre. Et parfois j'avais l'impression de lire en toi un discours trop officiel à mon goût. Mais je te comprends. Et la plupart du temps, je suis d'accord avec toi. Tu as raison. Tout devrait être dans les corps. Je reviens aujourd'hui vers ton corps. Comme ça, tout simplement. Je ressens le besoin de m'approcher de toi, même si un océan ou deux nous séparent. Je ne sais plus où tu es et ce que tu cherches. J'ai guetté à nouveau ton nom dans l'actualité. Je t'ai trouvé à côté d'une photo au Yémen. Et je me demande qu'est-ce que tu fous là. C'est plus drôle. Qu'est-ce que tu fous dans des guerres qui n'ont rien à voir avec toi ? Je suis resté 24 heures au Yémen. Accompagné par l'armée, sous les kilos d'un gilet pare-balles. On m'a proposé la mission 3 jours avant, tout de suite après les derniers bombardements. Comme d'habitude, j'ai accepté. Je sais que ça peut paraître suicidaire, mais ça l'est pas. J'étais la plupart du temps derrière la vitre d'une voiture blindée qui sillonnait les routes sûres de la capitale. Entre moi et les autres, un grand écran, comme tu le dis si bien. Si on envoie des journalistes européens, c'est qu'ils ont reçu une invitation officielle, en quelque sorte. Il n'y aura donc pas de bombardement en vue. Ils vont y aller après notre départ. Mais d'abord, ils ont besoin d'un état des lieux. Pour la première fois, je me suis senti lâche, faible. J'étais peut-être influencé par notre échange, par la radicalité de ta parole. J'aurais aimé oser sortir et rester face à face avec le corps que j'avais envie de capter. Mais j'ai eu peur, je suis resté loin. Il me voyait à peine, j'avais un objectif puissant. On a l'impression qu'il me regarde, mais en fait, il regarde la voiture qu'il aperçoit au loin. À l'œil libre, je le voyais à peine. Il cherchait quelque chose dans les décombres, quelque chose ou quelqu'un. Il était seul. Je pense qu'il a été toujours seul, cet enfant. La voiture s'est arrêtée. J'ai commencé à tirer en rafale, cliché après cliché, sans savoir ce que je faisais. Je comprends toujours le sens des images longtemps après, quand je les vois en grand sur l'écran de mon ordinateur. Le monde est devenu si complexe qu'on n'arrive plus à le comprendre en direct, dans le temps présent. Il nous faut toujours un décalage. Quand il a vu la voiture, l'enfant s'est redressé et il nous a regardés. Il aurait pu être abattu. Je pense qu'il le savait. Et je pense qu'il voulait regarder dans les yeux son tueur. Il a tué aussi l'enfant. Je me demande s'il sait pourquoi il tue. Au-delà des idéologies, il doit y avoir un mécanisme plus basique. Il tue l'homme qui est devant lui pour passer, pour protéger sa structure, son espèce. Mais ils font tous les deux partie du même règne. Peut-être qu'il ne le sait pas, qu'il ne se reconnaît pas dans l'autre, il ne s'identifie pas à sa victime. Il lui est impossible de le reconnaître comme un de ses semblables. Pourquoi ? Parce qu'il ne le connaît pas. Il n'a pas pris le temps de le regarder assez longtemps pour se rendre compte qu'ils sont tous les deux pareils. Plus tard, dans mon ordinateur, j'ai trouvé une autre photo, je te l'envoie. C'est un autre enfant, de l'autre camp. Un enfant que l'autre enfant tuerait. Ils s'entretueraient l'un et l'autre pour se faire de la place. Parce que l'autre ne fait pas partie des nôtres. J'ai regardé les photos l'une après l'autre plusieurs fois. Les deux enfants ont commencé à se voir, à se regarder, à s'apprivoiser. Ils ne bougent pas. Ils se regardent encore. Deux corps, face à face, qui apprennent à se connaître. Ils se regardent, oui. Ils se regardent dans notre imaginaire et c'est déjà pas mal. Il faudra peut-être retourner là, dans notre imaginaire. Récomposer cette réalité brisée autrement, dans la tête. Ils se sont regardés vraiment, les enfants. Ils se sont regardés au temps où on avait encore le droit de se regarder. Ils se sont regardés et joué peut-être ensemble, mais avant. Avant que les adultes leur parlent. Avant qu'on les laisse empoisonner avec des idéologies et des slogans, comme nous tous. Qui se regarde encore ? En dehors de son couple, de son cercle d'amis, qui se regarde encore dehors ? Je crois qu'on ne se regarde que dans les films. Je marchais dans les rues des villes et je cherchais un regard braqué sur moi. Le seul regard que je croisais, c'était le mien. Dans les écrans de pub, dans les vitres du métro, dans les webcams et dans les caméras de surveillance. Moi et mon regard, toi et ton regard. Alors oui, on a oublié l'autre. On l'a complètement oublié, on ne sait même plus qu'il est là. On vit en ville, mais en fait c'est la jungle. Alors on avance sur le pavé de nos villes avec la peur au ventre. On avance et on espère ne pas croiser l'ennemi sans savoir qui est l'ennemi. Alors on laisse ça en charge des militaires et des politiques. On reste solidaire avec nos peurs et on baisse le regard et on détourne le regard quand ça nous agresse trop. Et on chope les regards dans les photos de presse. Alors on fait comment ? On invente autre chose, mais quoi ? Même toi et moi, partons d'un cas concret. Toi et moi, on fait quoi ? On continue à se regarder en biais ? Je regarde autour de moi et je ne vois que des gens qui se cachent, qui ont perdu le contact avec ce qui les dépasse, qui restent concentrés sur eux-mêmes et récitent dans leur tête les mêmes textes apaisants rédigés par des religieux ou des politiques. C'est pour ça que je suis partie. Je ne supportais plus l'absence de regard. Je ne me supportais plus moi-même dans la même posture cachée derrière mes lunettes de soleil. Il faudrait vivre plus avec les animaux, se laisser contaminer par leur spontanéité et affronter nos peurs en regardant dans les yeux de la bête. Et si la bête était à l'intérieur, on fait quoi? Combien d'entre nous osent encore se regarder frontalement dans la glace? Tu le fais toujours, toi? Tu prends ce temps? Tu t'es regardé dans le rétroviseur après avoir pris en photo cet enfant? Je me suis regardé dans la glace et je me suis vu vieillir. J'ai vu sur ma peau le temps passer. Les photos que j'ai prises ont défilé dans ma tête. Trop d'images. La plupart, je ne les ai pas vraiment choisies. J'ai toujours appuyé sur le déclencheur en pensant à ce que le spectateur veut voir, à ce qu'il a besoin de voir, à ce qu'il devrait voir. Je me suis construit une éthique propre et je suis resté collé à ça. Je ne le comprends pas mal. J'ai pas pris les photos qu'on m'a demandé de prendre. J'ai essayé de résister à l'instrumentalisation de mon travail. Et pourtant, je n'ai jamais osé montrer mon regard personnel sur le monde. J'ai appris à modeler mon regard. Je suis resté à côté de mon corps, en décalage avec ma propre perception. À force de regarder le monde à travers un cadre, j'ai oublié le hors-champ. J'ai trop pris en compte les possibles interprétations de mes photos et je n'ai plus fait confiance à ma subjectivité. Parfois, on regarde sans rien voir. Nos yeux se sont trop habitués à des images préfabriquées qui inondent nos écrans en flux incontinent. Là, je vais au Népal. On m'a envoyé pour couvrir l'après-tremblement. Et j'ai pas envie de regarder les murs tomber, ni les visages crispés des gens. Il y a trop de souffrance dans mes photos. J'y arrive plus. J'ai envie de regarder ailleurs, au-delà de l'actualité immédiate, m'éloigner du corps commun qui gémit, prendre une certaine distance, plonger dans un état de contemplation. Tu penses qu'il est possible d'être hors monde tout en restant en vie? Braquer son corps contre toute l'agitation de la fourmilière et se sentir enfin léger. Vivre tout en gardant une conscience ouverte sur ce qui reste dehors. Trouer le réel et inventer une fiction qui nous permettra de déplacer le regard sur nous-mêmes. C'était Monde d'Alexandra Badea. Avec Alexandra Badea et Thierry Reynaud. Musique Benjamin Collier. Réalisation Alexandra Badea et Alexandre Planck. Équipe technique Jean-Michel Coqui et Bastien Varigo. Assistante à la réalisation Louise Loubrieux. Conseillère littéraire Céline Geoffroy. Monde, un atelier fiction conçu à partir d'une performance présentée à théâtre ouvert, avec le soutien du Centre National du Théâtre.